akola mosusu na lamuki na ntamba na monika ka appel masqué. Allô? C'est Yajojo Mandiki. Oui, Yajojo. Manda, j'ai trouvé le bonheur. Ah bon? Bonheur à mon anani. Katika Nasser Laout. Angèle Barouani. L'os de mes os, la chair de ma chair. Moi, yango wana kaka. Ma kelele ya bandeke yango wana kaka. Yeah, yeah. Tatata ya molangi ya bana ya pétrole, échange théo. Belezo tout asani na bala bala, yeba ete ba mama ya ma papa zoleka. Ye ye, makele la kimbambala, tololo ya police de roulage, échange théo. Et pourtant, les le commis différents. Il me semble que na solo tayango makambo nyonso ezali normal, sauf que mandiki aekotala ngai na komi de fasere esengo na ngai ezangi ndoyi na komi desoriente esengo na ngai ezangi ndoyi. Honorable Didas Pembe, mon major Tony Pembe. Pourquoi rara, sirema et kokokawa, kase koko kelanga ndenge nini, ye ye. Est-ce que na kolala butu ya lelo, ou bien na koseka butu mobimba, ye ye. Kouta na piaka ya bolingo. Kunginda na bolingo di kueta mbui saka moto. Koumela na monzemba oyo. Kota mbui sama na bolingo eka mbui saka moto. Oli na tondi esalemi. Enfin balinginga yi. Na moto oyo na bungi sina elikia. Un jour enfin la mort c'est encore la vie. Sara botaki na bompaka elika ya barama ebiki sakiye na komi desoriente esenga na nga esangi ndoyi. Le professeur Evariste Bouchab, l'incontournable honorable Adolphe Onosumba ya Michel Kabeya, président Martin Ekanda, papa na marquise. Jojo mandiki e pasio. Je m'en dis qu'il y a qu'un mandat de la moi. Papa Zoé Likalamoto, Bibis Lengo, la princesse Mathilde Abongi, Américain Awungu, Kinga Katinanjili, Kajobar Kumbashi. Fabrice Mbunga, Michel Malewa, Jirbon Bemba, Didier Kando, Azomela Mai. Je salue Mewe depuis Abidjan. Blaise Bongonda, Moninga, Yabisa, Chibangu. Eric Selemani, Eric Iyombe, Badivin Foulampungu. Jisse Magna, héritier Sangol. Amalia Dos Santos, Changamuka. Johnny Dikoumi Amar, Papi Kocha, Papi Iguette Moussoudi. Président Valère Kouissakala. Égide na motel Vikin, Zembela attaqué Bango. Keke na Matadi, Pasteur Amigo, Amigo, Amigo. Ya Wilimbo. Tonton Lolas. Marc Moudi. Le grand vérificateur des impôts, J.R. Lukusa. Tete Tiani Mamokoti. Ingénieur Mobi, Elvis Tita. Président Morgan Moussambote, le vieux Hakim Mandiki, patron Baya. Ambassadeur Nixon Kapende, toujours Django. Oh, Tete Boimboi. Salam, salam, salam, salam. Liston Saï Saï. Salam, salam, salam, salam. Ladi Esobe. Salam, salam.